Déjà, ils sont en monde, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Quand j'ai envie de dire, c'est où? C'est à Liège? Non, c'est un peu plus loin. C'est pas comme le projet. Ouais, mais ça ne met pas de référence. Comme je te connais davantage, je me suis dit que tu veux une pièce, c'est vrai. Oh, c'est fou. Mais t'as changé de discours par rapport à l'antenne. Je sais pas si tu as fait du mentor dans ta tête, tu dis la vidéo. Nadine marche. Tout le temps, eux, ils retournent à la marche, genre. Toi, tu es le meilleur, toi, je sais bien, c'est vrai que tu n'as pas besoin de venir. C'est pas le meilleur, mais tu vois, la dernière fois, j'aurais pu. Tu veux quelle lutte, il sert à quoi, go? Va chercher go. T'as chaud? Moi j'aurais rien dit, j'aurais fait. Ouais, genre pas fait exprès, tu vois, juste comme ça, tu vois. Le problème c'est que t'es capable aussi. Et quoi, c'est quoi le coup, il va mieux que tu puisses retourner le parti. Hein. Et puis elle a fait le mal avec mon dieu, celui-là, au retour.